بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمنى أن لا في غزة بقول مؤمن أما الكافر أبدا. والله il est في ضيق وفي ضنك. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'ab. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في آخر الدرس فصل نافع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. Et on a vu المعاملة مع الأقارب، c'est مهم. Et on a vu أن si واحد il a des défauts، اعلم وأنت تعلم أنك كذلك، t'as des défauts ربما أكثر منه أو pareil que lui أو moins que lui. على كل حال t'es pas معصوم، on n'est pas معصوم. فلا بد من الرفق et la patience. كذلك إذا حصلت الكلمة العفو طيب، العفو طيب، خاصة pendant l'énervement، خاصة les couples. أحيانا il y a des كلام mais aucun des deux parties يقصد ذلك، فقط la fierté، الشيطان، ربما une كلمة، لكن الحقيقة المحبة حاصلة. Et c'est ça le مهم. أما الزلة، tu peux pas oublier كما قال الشيخ سعدي، ربما des années de خير، ربما des choses qu'ils ont été vécues ensemble pour une كلمة، ربما elle a été dite après énervement. Voilà. La personne n'est pas shaitan détruire ce qu'il a construit à la khayr ou à la sunnah. Le dernier dans il était nafi à kalam. Cheikh Saadi il était tamam. Kadhalik, Cheikh Saadi nous avait donné une précision. Il y a kathir min al-nas. Ils s'efforcent et prennent l'habitude à patienter dans les grosses épreuves. Lakin dans les petites choses, ils se laissent aller. Et ces petites choses, elles lui font du mal. Dites. Et à la fin, ça devient rubbama, ça fait plus de mal qu'une grosse épreuve. Et on a cité des exemples hier. Et aujourd'hui, naqra akhir hadhihi al-fusul an-nafi'a, le dernier chapitre, قال فصل في العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا. صحيح. Le titre فيه فوائد عظيمة. أولا العاقل. أما بعض الناس حقيقة يغفلشيسبا أو يبخن با لطن بغفلشيه يسبرسيبيد. أما العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة. أولا العاقل يسيك لابغيفي سي في السعادة والطمأنينة. Et tout ça s'englobe دين الله عز وجل. Pas de سعادة sans دين. كذلك أن cette vie elle est قصيرة جدا. Cheikh Saadi va en venir où l'an? Comme il va nous expliquer. Il va en venir à Naya, akhi, la vie elle est courte. Arrête de t'empoisonner. Cette vie qui est courte, t'es fini, ma. T'as besoin de temps pour l'ilm, t'as besoin de temps pour l'ibada, t'as besoin de temps pour l'amel, t'as besoin de temps pour réfléchir, t'as besoin de temps qu'à dire. Ne t'empoisonne pas la vie avec des choses d'avia. Elle est qasira jiddan. Chouf, nahnou, ta'ammalou, nahnou l'an, la vie comme elle avance vite. Qabla ayyam, t'étais jeune, roubama, t'avais pas la vingtaine. Thomas la vingtaine, Thomas la trentaine, ça va très vite. Yomina l'ayyam, tu verras. Rubama, si tu vis longtemps, Rubama yomina l'ayyam, tu seras une vieille personne et tu ne pourras plus faire certaines choses et tu regretteras certaines choses. Ah là, fa, cette vie elle est qasira. L'insan yashtahid, il amal al-salih, et yatruk ba'al umur. T'as pas le temps de faire ba'al umur fil haqiqa. Qala al-aqil ya'lam anna hayatahu s-sahiha hayatu s-sa'adati wa t-tuma'nina. وأنها قصيرة جدا فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار أي الهموم فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة تأملوا قول شيخ السعدي رحمة الله عليه فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار لا ينبغي الكخ أنت دائما مشاكل دائما فلان الى دي فلان الى فيه ما بعض الناس حياتهم هكذا والله حياة تعسة تعب مشقة دائما الى دي بروبلم دائما الانسان العاقل يسكر دي بروبلم مثلا ton voisin ou ta voisine elle a fait telle chose elle a des problèmes ça a aucune relation avec nous tu rentres le bail ma balouk et cette femme elle te dit la voisine d'en dessous elle a dit la voisine d'en haut elle a fait فلان الى دي فلان t'en vrai quand Alhamdulillah ala salam, nous n'a pas ce problème. S'il faut les conseiller, on les conseille, sans parler derrière. Matalan, ou en radio, les conseille le mari, ou la femme, elle conseille la femme des choses, ma bota, berif. Inch'Allah, il y a neuf. Amma, wahat, il critique. Un autre, deuxième, il critique. L'autre, qui fait les erreurs, il n'est même pas au courant. Thomas Nahnou, Layl Nahar, il a fait, il a dit, on a un vrai, c'est pas ça le hayat sahiha. Le hayat sahiha, c'est fait l'ilm. Au lieu de parler, on ouvre un livre. On adresse. On écoute du Coran, on parle de choses mubahas. Et tu verras que tu seras firaha. Une personne, elle a fait des erreurs, nous aussi on fait des erreurs. Et il n'y a que le voisin qui a des erreurs. Nous, on est un bait, khalas, il y a l'isma, il y a le wahi. Abadan, Allah, elle aime les erreurs. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, sitr. C'est cette tariqa tayyiba. Il y a quelque chose, yumsah. La personne qui a, cette personne qui a des erreurs, tumsah. فالشيخ قال فلا ينبغي له أن يقصر بالهم والاسترسال الاسترسال c'est ce qu'on vient de citer jour après jour دائما ça s'arrête plus tu vois plus le bout حتى تنضيق لا يعلمه إلا الله قال مع الأكدار فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة c'est plus une حياة طيبة t'es plus reposé والله تكره تكره هذا ينتبه له خاصة النساء حتى الرجال لكن في النساء أكثر قال فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار صحيح il vient faire un résumé de sa vie une grosse partie c'est في الفراغ وفي المعاصي فلان il a dit فلان il a fait on aurait dû mais et هذا الكلام والله il n'y a aucune فائدة هذه الحياة c'est une نعمة chaque minute c'est pour ou contre toi اجتهد que ces minutes ce temps il soit pour toi قال لا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل الآجل l'importance du temps قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس معروف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كثير من الناس ils sont perdants dans ces deux ni'mah Ils ne font pas ce qu'ils devraient faire par rapport à ces deux ni'am. Le temps et la bonne santé. Pardon, ils sont en bonne santé, faire. N'ishtiyad fil ilm, n'ishtiyad fil ibadah, ni amal, ni. Sa bonne santé, fi ma'asi. Il rendra des comptes, yom al-qiyam. Pardon, il a ni'amat al-waqt. Il a du temps. Il peut rester au masjid. Il a du temps pour apprendre. Bel pardon, il a tellement qu'il ne reconnaît pas cette ni'amat, il te dit, matalan, il faut tuer le temps. Il veut le gaspiller, il ne sait plus comment faire. Na'oud billah. C'est une ni'amat. طالب علم المجتهد ربما والله دي مينوت pour dormir pour manger ربما il les sacrifie tout ça parce qu'il prend soin de cette ni'ma اما الفارغ سافارغ قال وينبغي ايضا il cite un autre point. وَيَنْبَغِي أَيْضًا إِذَا أَصَابَهُ مَكْرُوهُ أَوْ خَافَ مِنْهُ أَنْ يُقَارِنْ بَيْنَ بَقِيَةَ النِّعَمَ الْحَاصِلَةُ لَهُ دِينِيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. C'est un point مهم. Quand un problème t'arrive, مكروه, maladie, pauvreté, autre, compare avec la ni'ma que t'as. صحيح. Tu vas voir que cette chose, tu vas la minimiser, tu vas dire Alhamdulillah. T'es atteint par une maladie, tu dis Alhamdulillah, en fait, je suis encore à la khayr. Foulan, robama, il bouge plus. Foulan, robama, il sort plus de l'hôpital. Foulan, robama. Toi, tu dis Alhamdulillah. En fait, je suis à la vie. Tu vas voir que cette moussiba, elle va être minimisée. Kadhalik, il t'arrive un problème, tu dis Alhamdulillah, j'ai une ni'ma azima, c'est l'islam. Alhamdulillah, je suis à la sunna. Et tu te réconfortes bihada. Tu dis Alhamdulillah, Allah il est karim. Il m'a éprouvé bihada, j'ai certains péchés et Allah subhanahu wa ta'ala, il me veut du bien. Léanna, il a éprouvé ses rasouls avant moi, ou l'anbiya. Hakada l'umour, tu les règles et t'avances. Ma balouk wahad, une petite chose, il fait rien que de se plaindre. Pas de dua, pas de digre, il se plaint wasil. Hada, cette moussiba, elle va le mettre à terre. Sahih. قال وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدود ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمال الكثير القوية. C'est un point مهم كذلك. Une rumeur أنه il va voir كذا. C'est une rumeur, elle est ضعيفة. Elle est pas قوية. Et t'as plein d'autres points positifs. Laisse pas cette petite chose négative prendre le dessus sur les points positifs. Ah ben, tu vas te faire du mal. Belle, tu dis là. Il y a une rumeur kada, lakin inshallah il y a du khayr bi idnillah azza wa jal. Et on a husn dhan billah. Et t'avances. Al-an, ce point est important. Si tu prends le mythal des thawarat al-an fi al-buldan al-arabiyya, ana kathir min haoula, ces peuples al-an, kathir minhum ils sont ala jahl. Talabat al-ilm ils sont qalil, al-thabitin ils sont aqal, al-ulama ils sont aqal. Al-an, ces peuples al-an, ils sont arrivés à un niveau, ils dramatisent tout. Nous le voyons, il y a les manifestations qu'ils font. Je parle avec certains d'entre eux, ils dramatisent tout. T'as dit le pétrole, il est cher. L'essence, l'électricité, elle coupe. Thomas, les rumeurs, elles viennent. Ils ont dit, il va avoir kada, ils vont faire kada. Tous les points positifs, ils les délaissent. Wallah, en fait, ils sont à la khayr, la ya'lamuhu illallah. Et c'est rare un pays qui est à la khayr comme le Yémen. Fadihada, il est combattu, min kulli diha. Je prends l'exemple de Din, al-Da'wa. Les femmes, elles sont couvertes. Beaucoup de choses, ils sont finies. Beaucoup de choses. La vie, alhamdulillah, encore, elle est encore, c'est accessible, beaucoup de choses. Lakin, tout ça est oublié et il garde un point, l'essence elle est chère. Il se fait du mal, oh, Rubbama il s'égare. Il finit dans une manifestation, Rubbama il tue, oh, il se fait tuer. Les madal et annahum, ils n'appliquent pas ça. Et shaitan, kadali, il les waswas, il va voir, ils vont faire. Ya akhi, t'es fi khayr. Wallahi, t'es fi un khayr azim. Tu verrais, certains frères, ils vivent fi bilad kouf. Beaucoup de choses, mutawaffira. Beaucoup de choses, argent et autres, lakin il n'a pas cette ni'ma que tu as dans ce pays. Abadan. Abadan. Lakin akhtar al-nas la ya'lamoun wa akhtar al-nas la yashkuroun. قال وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر اعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن ان تصيبه فيوطن نفسه لحدودها ان حدثت. On revient au point. Si c'est une rumeur solide d'une chose qui a des preuves, tu te prépares. Au pire des cas, ça sera la mort. Inch'Allah, je patiente. Et tu verras que si ça arrive, tu seras patient. Si ça arrive pas, tu étais prêt. Alhamdulillah, t'as mort. قال فيوطن نفسه لحدودها إن حدثت ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. هذا. Si cette mosiba arrive, il commence à employer les solutions. Pas besoin de parler deux heures, deux jours, deux mois avant. Allah, y a aucune faïda. Si ça arrive, الآن يجتهد. Comment faire pour m'écarter de ce char, de cette monsiba? Comment faire? Si j'arrive pas à l'enlever complètement, j'essaye de la diminuer. Si j'arrive pas, je patiente. Kadhalik, on avait donné l'exemple dans les épidémies, dans des pays, il y a des épidémies. En Afrique, il y a l'Ebola. Celui qui vit dans cette contrée ou qui a cette maladie, c'est des rumeurs. Rubbama, ça n'arrivera pas jusqu'à toi. Si c'est sérieux, tu te mets dans ton cœur et dans ta tête. Le pire qui va m'arriver, c'est que je suis atteint de cette maladie et je meurs. Inch'Allah, je suis à la khayr, je patiente. Ça arrive de près. Ça arrive pas, alhamdulillah. Ça arrive proche de toi, tu fais tout pour repousser. Elle m'a parlé pendant des heures. T'habites loin, l'épidémie, ils vont faire. Tout mal les médias. il propage, tu as un zik, ça va venir, t'atab, wallahi t'atab. Pourquoi ça ne va pas t'arriver aslan. Qala, kadalik, un autre point, vous avez remarqué que ce dernier fasl, il est muhim, il cite plein de points importants. Et il résume des choses qu'on a vu avant. Qala, wa min al-umur al-nafi'a, an ta'arif anna adhiyat al-nas laka, wa khususan fil aqwal al-sayya, la tadurruk, bel tadurruhum. Ça c'est muhim. Ça c'est muhim, faites attention aux waf. Un, il dit une kalima, tafshel. Faites attention les hadha. Les anabard al-nas, c'est des ashrar. Ils veulent te faire du mal, ils veulent te faire du mal à ton din. Tu te soumets, tu baisses les bras. Wahid dit une chose, khalas. Ya akhi, laisse-le. Fulan, matalan, nahnu, ils disent haddadi. Laisse-le dire jusqu'à demain haddadi. Montre qu'il est à la batil, et wallahi, ça fait rien du tout. Inda ahl al-haq, celui qui veut le haq, il demandera c'est quoi haddadi et pourquoi il te dit haddadi. C'est pas vrai, on n'accepte pas. Hadha. Yawm al-qiyama, il rendra des comptes. Fala tadurruk abadan, bel ça lui fait du mal à lui. Chaque fois qu'il ment, et il t'accuse haddadi ou autre, yawm al-qiyama, il te donnera ses hasanat. Si la petite hasanat, tu lui donnes de sayyat. Limada li annahu zalamak. Nous on voit, on a بعض الناس, بعض الاخوان, ربما واحد يجي une chose. Un charif. Il dit, vous êtes kada. Khalas. Et كأنه son visage il change, il est touché, il est. يحصل ما يحصل. Ya akhi, truc. Wallahi, ça fait rien du tout. Laisse dire ce qu'ils veulent. L'essentiel, corrige-toi, corrige tes amal et ta niya avec Allah subhanahu wa ta'ala. كما في حديث كما في الحديث ولئن اجتمعوا على ان يضروك اجتمعوا ما بالك انت الانس والجن يسغصون pour te faire du mal لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك او عليك فلا يضرك هذا ابدا ابدا انت سكت في du mal c'est des péchés كما قال عز وجل والذين كسبوا السيئات فجزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله هذا جزاك في du mal اما على خير مثلا Maintenant, tu fais le salat. Qadr, tu fais le salat. Wahid, il lance une rumeur, tu fais pas le salat. Est-ce que ça va te faire du mal? Ah, maintenant, tu fais le salat, indallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu fais le salat. Et toi, tu fais le salat. Ah, il vient, il ment, il lance une rumeur, il dit, ouais, Fulan, il fait pas le salat. Est-ce que ça va te faire du mal? Wallah, ça te fait aucun mal. Fais adel hal, la tafshel. Tanzaïj, tu t'énerves, tu cries, tu perds tes moyens. Ah, maintenant, montre. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, montre. Tu montres que tu es innocent de ça et avance. Lakin, qu'est-ce qu'il faut pour hada? Il faut avoir une niya qawiyya et hasana. Mais celui qui fait pour les gens, dès que les gens y parlent, ça lui fait beaucoup de mal. Léna, son but, c'est les gens. Celui qui fait pour Allah, Allah la yubali. La yubali, fulani parle ou fulani parle pas. La yubali, abadan. Léna, son but, c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, la yadurruka, la tadurruka, bel tadurruhum. أي سي كلمات سي أقوال سيئة قال إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها ça va te faire du mal mais pourquoi il a dit mais moi j'ai rien fait أبدا montre qu'il est à la batil qu'il ment montre que tu es à la haq et avance أما tu te fais du mal mais les gens ils vont dire ça va se propager mais pourquoi يا أخي ترك الله ça c'est من الضعف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من أقوال الناس الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجزت ساحر دو كذاب دو مجنون ما بالك أنت تفضل ما بالك أنت فلا لا تلقي بالا للباطل والله الباطل ستفي بعد ما الباطل لكثير والأصحاب الباطل يسون كتر كذلك فالأنبياء يسون été combattus et ça leur a fait aucun mal بل الحق لمنصور الله سبحانه وتعالى الخالق بعض المجرمين الكفر الملحدين يطعنون في الله الله سي الخالق ما بالك أنت المخلوق الضعيف المسكين l'essentiel c'est que tu sois à la haq لا تبالي بالناس الناس تغيبرا jamais à les convaincre tous تغيبرا jamais à être d'accord أبدا دائما واحد يتكلم دائما فأنت لا تبالي montre اتكلم بحق et ne te laisse pas faire c'est pas une solution à se laisser faire أبدا tu te laisses faire une victime et هذا يطعن فيك وهذا أبدا t'as حق montre بأدب Et si c'est un mobtel, montre biquwa. Et si c'est quelqu'un qui s'est trompé, n'sahou. C'est ça, tariqat al-ulama, tariqat al-salaf. Qala, wa sawwaghta laha an tamlik masha'irak, fa'inda dhalik tadurruk kama dharratuhum. Chef, ta'ammal. T'as rien fait à la base. Lakin, si tu fais pas attention, un mobtel, il te fait du mal. Ça lui fait du mal à lui, il y en a aussi un dhalim. Et toi, kadalik, tu te fais du mal. Imma, tu parles plus, tu montres pas le haq. Imma, tafshal. Il prend le dessus sur toi, tu penses, tu as des doutes, ouais, peut-être qu'il a raison. Ah, ben, faut être sûr, ya jama'a. Lakin, pour pouvoir Al-an, pour pouvoir se défendre et pour pouvoir montrer le haq, et cette kalima ne te fait pas du mal, et patienter face aux a'da, que ce soit des kuffars, que ce soit munafiqoun, que ce soit min ahl al-bid'a, min al-hijbiyin, il te faudra deux choses. Il te faudra niya. Un niya, elle va t'aider à ne pas faire attention. Mais il y en a un tas, ton but c'est ridallah, c'est pas lui. Il dit t'es bien ou t'es pas bien, ça ne change rien. Si t'es bien avec Allah et il dit t'es mauvais, ça ne change rien. Et il te faudra une deuxième chose, al-ilm, pour pouvoir répondre. Il y en a même une bonne niya, ça ne te fait pas. Si t'as l'ilm, tu pourras montrer. Annahu sa mubtil. Enfin, deux choses, al-niya, tawhid, aqida, etc. Et al-ilm, les efforts. Qala, qala fa'inda dhalik tadurruk kama dharratuhum. قال فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا صحيح صحيح لا تلقي لها بالا si c'est un قول qui propage et t'accuse c'est un mensonge montre بسرعة بسرعة c'est un كذاب كذا كذا tu montres et تبرر نفسك et avance ça se propage والله لا يضرك بشيء كذلك قال واعلم أن حياتك هذا c'est مهم واعلم أن حياتك تبع لأفكارك ta vie elle est par rapport à tes pensées. لماذا قال فإن كانت أفكار فيما يعود عليك نفعه في الدين في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس فانتبه هنا c'est un point essentiel n'écoute pas tout ce qui est propagé. Un fait qui se propage ربما يتمpoisonne la vie. L'importance de l'ilm كذلك de l'aqida صحيحة si tu as une aqida صحيحة توكل على الله إيمان قوي إيمان بالقدر c'est مهم. Tu verras que ta vie elle sera tayyiba, elle est fondée sur des fondements tayyiba. Ma balouk celui que les afkar y rentrent, afkar khatira, haddam, tu verras que sa vie, wal'iyadu billah, ça sera une vie, comme on a dit, ta'issa, ranka, ta'ab. Ça montre l'importance kadalik des sources. N'écoute pas tout ce qui se dit. Khasatan wa yadil ayyam, khasatan avec tous les moyens l'an pour propager les médias et autres. N'tabih, ce cœur, c'est aham shay, ma indek, c'est ce cœur. Si ce cœur, il y a des afkar, khabita, haddama, batala qui rentrent dans ce cœur, ta vie, elle sera basée sur ce ta'ab et sur ce dhalal. كذلك قال ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطي نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله. Ça, c'est مهم, كذلك. Si t'attends la récompense des gens, ça t'ta'ab. مثلا, tu fais un khayr الواحد. Si tu le fais لله, Rubbama, du jour au lendemain, il change de face. Il te dit, t'as rien fait, t'es un kadabel, il t'accuse. Si t'as fait l'illah, ça te fait pas grand mal. Là, je sais que ça va toucher un peu, l'yana, t'as fait du khayr, lakin, pas plus que ça. Bel, anta, tu te rassures, tu dis, alhamdulillah, moi, j'ai pas fait pour toi, j'ai fait l'illah. Et Allah, toi, t'as pas reconnu, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il est shakur. Allah, subhanahu wa ta'ala, il me récompensera. Anta, t'as pas de shukr. La yashkur Allah, man la yashkur al-nas. Ma balouk, l'an, celui qui fait pour les gens. T'as fait du khayr pour wahed, tu fais que pour lui. T'espères qu'il parle bien de toi, t'espères qu'il te donne en échange. S'il retourne, ça va te faire beaucoup de mal. L'importance de niya. Qala fa ida ahsanta ila man lahu haqq alayka ou man laysa lahu haqq alayka fa'alam anna hadha mu'amala minka ma Allah. Mais cette niya, tu fais lillah. Hatta avec al-zawja. Ça arrive, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré anna kathir min al-nisa takfurna al-ashir. Rubbama, tu fais du khayr avec elle 10 ans, 5 ans, 3 ans, akhtar, akhad. Rubbama, yom il alayyam, elle te dit, t'as rien fait. Ma'ruf, comme a dit le hadith. Si tu veux l'illah, ça va pas te faire grand mal. Tu dis, alhamdulillah, tu dis, moi la mu'amala que j'ai eu, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum, khayrukum li ahli. Wa ana khayrukum li ahli. Hakada il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses femmes. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous avec mes femmes. Al-an, atas tu mu'amala, tu l'as fait l'illah. Si elle change et elle t'accuse, tu dis ça. Tu reconnais pas le ma'ruf et moi tout ce que je fais c'est l'illah. Et Inch'Allah je serai récompensé. Mais ben donc celui qui faisait que pour elle, que pour kada, que pour kada, elle change, elle lui fait du mal. Jitten, jitten. Ba'duhum, rubbama, il perd la raison. Bisabab hada. Qala va ida ahsanta ila man lahu haqq alayka ou man laysa lahu haqq. Haqq alayka comme ta femme. Ou man laysa lahu haqq, aya un étranger. Tuhsin ilay. Qala fa'alam anna hadha mu'amalatu minka ma Allah. Fala tubali bi shukr man an'amta alay. Kama qala ta'ala fi haqq khawas khalqih. قال عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ça c'est un موقف طيب ça veut pas dire que t'acceptes pas le شكر لا si tu fais un شكر يشكرك et il reconnaît le خير طيب تفرح c'est un عبد صالح لكن ton قصد c'est pas هذا ton قصد c'est Allah سبحانه وتعالى قال ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد صحيح الأهل la femme, الأولاد les enfants. ومن قوي اتصالك بهم فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. صحيح, لأن ça revient sur toi. Ton enfant maintenant, c'est pas comme un étranger. Ton enfant, tu fais tout pour qu'il s'écarte du char. لأن si il tombe dans le char, ça va être sur ta tête. Tu vas pas le laisser. Maintenant, ton enfant, tu fais tout pour qu'il étudie pas عند أهل الأهواء والبدع والكفار من باب أولى. Un autre, tu le conseilles dans la rue, maintenant un étranger, tu vois qu'il va à l'école, عند الكفار. Un jeune, maintenant, tu lui dis, ah, achi, fais attention, kada. Si il t'écoute pas et il va à l'école, il va pas te faire grand mal. Ma balouk ton enfant. Ton enfant, il va aller à l'école, le soir, il vient avec des afkar. Fil bait. Fil bait. Ah, c'est autre chose. Qala, faqad arahta wa starahta. Amma, si tu prends soin de lui et tu lui dis sunnah, lui, l'enfant, c'est irtah, wa anta satartah. Le char, il revient sur toi, ou le khair, il revient sur toi, avec les proches. La femme, min hadha al-bab. Qala wa min dawa'i al-raha, akhda al-fada'il wa al-amal alayha, bi hasb al-da'i al-nafsi, dun al-takalluf al-ladhi yuqalqil, wa tu'awid على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي وهذا من الحكمة أن تتخذ من الأمور الكثيرة أمور صافية حلوة وبذلك يزيد صفاء الذات أو اللذات وتزول الأكدار. تمام. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها. Tu fais tout, tu fais des efforts. حتى avec les enfants maintenant, tu le récompenses. Il a fait un khair, tu le récompenses, hadiya, tu le fais sortir. Il a fait un char, uquba par rapport à son char. Et inshallah, toutes les conséquences, ça va revenir sur toi. Min khayr. Bi'idnillah azza wa jal. On sallallahu subhanahu wa ta'ala. As-salama min al-shar. Wa min ahli al-shar. Kadhalik qal, ij'al al-umur al-nafi'a nasb aynayk wa'amal ala tahqiqiha wa la tantafit ila al-umur al-dharra li talhu bidhalik an al-asbab al-jaliba lil-hammi wal-hazn. أو الحزن واستعن بالراحة وإجمع النفس على الأعمال المهمة كذلك أنك tu fais passer les أعمال نافعة قبل on a fait une كلمة مرة كلمة نافعة de l'imam al-Qayyim on avait lu أنك tu fais passer les choses essentielles avant d'autres choses أحيانا أنت deux choses une les أهم fais passer الأهم معروف هذا ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن أسباب الجالبة للهم نعم كذلك أحيانا أنت سبب نافع t'as une autre chose qui peut te faire du mal concentre-toi sur النافع النافع le bien va repousser الشر نعم لا تقول لا si je fais ça mais كذا لا si c'est du خير fait إن شاء الله le خير ça repousse الشر قالوا من الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة كذلك. C'est ça le point qu'on a cité. Il y a des choses qu'il faut faire filhal. Il ne faut pas laisser. Lana, si tu laisses, ça va s'empiler. Un amel avec un deuxième. Tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. Là, tu fais l'aham, fais l'aham. Et le fard, avant. Et il y a des choses, il y a une maslaha à Adam, tu fais passer avant. Wa hakada. Qala. وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطئها فإذا حسمت على كل شيء بوقته أو حسمت على كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل نعم لأن ربما تبقى بغنوت عمل dans deux semaines أو une épreuve si t'as tout fait toi في وقته t'es prêt dès qu'une épreuve elle vient t'es là t'es prêt ما بالك prends l'exemple la talan الديون بعض الناس ils ont une غفلة ils prennent دين عند فلان ثم عند فلان. Thomas, il a de l'argent qui vient, il peut rembourser, il se laisse aller. Thomas, une monsieur vient, maladie, il doit payer. Thomas, Abdouyoun, ils veulent leur argent. Un jour, tout est sur toi. Ils viennent et te disent, moi, je veux mon argent aujourd'hui. Un autre, aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire. Vaïr ou Afuz. Là, chaque chose. Tu as donné un mot, maintenant une dette. Les frères, ils respectent. On entend des histoires. On se dit, ah, il prend, il ne veut pas rendre. Pardon, c'est du vol wadih. Taqullah. Taqullah, c'est du dîn. C'est du dîn et ça va retomber sur toi. Wallahi, donner, rembourser cette dette, voilà où tu as besoin de l'argent, Obama, tu t'aimerais bien garder ça, cet argent. Wallah, c'est plus simple que plus tard d'être accusé et tu la rendras. Tu auras un dhiq akthar. Ça, c'est un mital. Les choses, on les fait à leur moment. قال كذلك وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم. نعم. الأعمال الأهم فالأهم. أحيانا أنت deux choses à faire. مثلا أنت une dette. Tu dois un frère, مثلا on va dire مثلا tu lui dois 100 euros. C'est un fi'l muhim, tu dois lui rendre. C'est une amana. Il t'a fait confiance. Et tu as une chose à acheter à 100 euros. Elle est muhimma كذلك. مثلا une chose pour la maison. Tu sais que cette chose, si tu ne l'achètes pas par la maison, tu vas patienter. Tu te dis ça, on verra le mois prochain. Le frère, il a besoin de son argent. Tu qaddam le frère. C'est pas mis al-hikmah, tu fais passer toi avant et tu le laisses meskin. Là, là. فلهذا قال وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم قال وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشدد رغبتك فيه فإن ضده يحدث السام والملل والكدر قال واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة تمام لأن دي فوية دي شوز تدفع قصير تل شوز أمو تل شوز قد يقول قائل كمان شفاء كما قال si t'es un talib ilm, alhamdulillah, ça va t'aider. Si t'as du mal, demande. Même si t'es un talib ilm, là, ben, c'est mouchawara, c'est tayyib. Bil fikr sahih, al fikr sahih, c'est un mu'taqad. L'aqida sahih, la personne qui a le fitra, il a le ilm, il a des bons fondements. Amma ba'd al-nas, wal iyadu billah, ils font passer des choses, rubbama, avant des fara'id, min fara'id al-islam. Ba'd hum, rubbama, il a de l'argent, il peut faire le hajj, il va, il voyage dans des bilad, il y a des ma'as. Ça, c'est pas une hikmah. Ça, il n'a pas fait passer l'aham fa l'aham. Le hajj, il est wajib, c'est un fard, rukn min arkan l'islam. Limada, tu ne le fais pas. Il te dit là, mais je pense que je vais me reposer, je vais faire des vacances dans tel pays et je verrai plus tard. Ça, c'est pas une hikmah. Qad tubtala. Allah, Allah, il peut t'éprouver. Tu n'as pas fait le hajj. Et il t'éprouve avec la pauvreté ou autre. Al-mushawara. Mushawara, c'est tu demandes conseil. Tu te shawar. Lakin intabihu hada, tu demandes conseil à ahl al-ilm. Ou un talib ilm fadil, tu connais, ou une personne aqil, tu ne demandes pas à tout le monde. Ba'dannas, tu lui demandes conseil, il te met dans des problèmes. Wallah, ce n'est pas tout le monde. Ne sois pas rafil. Tu écoutes tout le monde, tu demandes à tout le monde. Ebeten, ceux qu'Allah il a waffaq, ils sont indal ulama, indal mashaykh, demande. Ya shaykh, je suis dans telle situation. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu vas voir, kalam mitl al-asal. Liannahu, il a de l'expérience, il a du ilm. Rubama, il a vécu des choses que tu n'as pas vécues, il donnera une nasiha adaptée. Tu demandes à Wahid, il ne connaît pas grand chose. Il n'est pas connu bil insaf. Tu lui demandes, Rubama, il va dire une chose. Wallah, tu le suis, Rubama, tahlak. Antabihu lihada. Tu ne demandes pas à tout le monde. Fas'alu ahl al-dhikr, qal azza wa jal. Walou, c'est un proche. Walou, tu l'aimes bien. Walou, il veut ton bien. Ça ne veut pas dire qu'il te donnera une nasiha adaptée. Antabihu lihada. Soyez pas hakada, le premier qui vient, il vous prend. Alors le premier cas d'une kalima, khalas, ça devient là, chacun à sa place. Qala fama nadima man istashar. Il le cite souvent, hadal kalam. Fama nadima man istashar. Celui qui demande conseil, il ne regrette pas en général. Sahih. Sahih. Demander conseil, c'est muhim. Qala wadrus ma turid fi'luhu darsan daqiqan. Ça, c'est muhim, kadalik. Tu veux faire une chose, udrus la mas'ala. Ne précipite pas. Là. J'ai envie de faire telle chose, tu regardes les points positifs, les points négatifs, tu regardes est-ce que tu auras le temps, est-ce que tu auras assez d'argent, est-ce que tu es capable hein? Tu vas voir que après dirasa, après avoir étudié ton cas, tu vas voir que tu auras des points d'interrogation. Tu reviens à ahl al-ilm. Celui qui applique ça dans sa vie, bi-ibnillah, c'est un sabab, mais un adam al-asbab, tu t'écartes des problèmes et tu vis une vie heureuse. C'est pour ça que Cheikh Saadi l'a cité, ben, il l'a cité à la fin pour conclure sa risala, rahmatullah alayhi. قال وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآن tu vas arriver, ton cas il est étudié. Toi, tu as fait une première étude. Toi, il y a des points, tu n'arrives pas trop, ton manque de ilm, ton manque d'expérience, tu demandes à des proches qui ont d'expérience, ulama, talabat ilm. Tu vas arriver, khalas. Tu dis, alhamdulillah, ce point, tayyib. Toi, على الله. توكل على الله فإن الله يحب المتوكلين. Et avec cette tariqa, بإذن الله عز وجل, الله te préserve. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. الآن هذا اسم الحفظ الله. تدرس, tu demandes, tout ça, c'est pour préserver ton din. Allah سبحانه وتعالى يحفظك. قال الشيخ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بهذا ونفيني ست رسالة نافعة. حقيقة استفدنا. Wallah, au début, Anna, dès que j'avais choisi de lire cette risala, je ne pensais pas qu'on allait stuff de hakala. Alhamdulillah, tayyib. Kalam ahl al-ilm fi baraka. Vous avez vu cette risala, elle est mukhtasara. Mukhtasara fi al-haqiqa. Lakin, kalam ahl al-ilm fi baraka. Kam min fawaid. Kam min des choses, tu les connais, tu sais, lakin tu oublies, il te rappelle. Tayyib. Mais là, des risala, tu crois fi al-buyout. Celui qui a le qudra, il lit avec sa femme, avec ses enfants, avec ses proches, tamam. Sahih. Comme de problèmes qu'on a et qu'on a eu, et Rubama que tu auras, pas le hal dans ce genre de rasaïl. Un hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des versets du Coran Karim, des paroles sahla. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yarham hada l'imam, al-Sheikh Abdurrahman, al-Sa'di rahmatullah alayh. Wa nasallah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'na. Wa nas'aluhu kathalik an yaj'al fi yadid durus al-naf'a wal-baraka. Innahu waliyu thalik wal-qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. On essaiera de trouver une risale hakada mukhtasara nafi'a. On continue à la lire pour finir le dars, le premier dars qu'on fait, qui est Sifatul Wudu. Inch'Allah, on verra ensemble. Celui qui a une idée, il propose. Anna, je regarderai. Ah, on fera une ou deux kalimas. On verra par rapport au temps, par rapport. Si on n'a pas le temps, ça, on fait deux doros minhada pour finir. Inch'Allah, il connaît. L'essentiel, c'est l'estimara. Amma, les sujets, ça. Après, quand tu choisis un sujet, il y aura du neuf. خاصة في التوحيد في العقيدة في المنهج في الفقه يا جناب على كل حال مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين